une victoire après la défaite. Après les larmes, les éclats de rire. Un jour après la pluie. J'espère qu'un jour on va briller, que nos étoiles vont scintiller. Je veux croire qu'un jour nos efforts vont payer. On fera tout pour qu'il y ait un jour après la pluie. Les parasols remplaceront les parapluies. On va sortir du ghetto, la tête haute, sans vanité, à bras tendus vers les nôtres. Accroche-toi, car notre tour va venir. Le truc c'est qu'en attendant ce jour, faut tenir, se retenir. Parfois, tu peux pas cesser de croire, t'es fou. Si ce n'est l'espoir, fais-moi savoir ce qui nous tient debout. Que la pluie arrose tes rêves, que les épreuves les nourrissent et qu'ils s'élèvent. Ce qui nous tue pas rend plus fort et on est vivant, donc plus fort. Sensible, on est vibrant, même si la mélancolie te fait côtoyer la folie, reste solide. Car y'a un jour après la pluie. Un jour après la pluie, qu'il nous reste de l'espoir, on est vivants. Nos pleurs deviendront des sourires avec le temps. Un jour après la pluie, qu'il nous reste de l'espoir, on est vivants. Nos pleurs deviendront des sourires avec le temps. Derrière le soleil, j'assomme. Des saveurs de notre existence, tant que ne désiste pas notre résistance. Après la prison, la liberté, une pensée pour mes frères incarcérés. Tu peux pas noyer tes espoirs et perdre pied dans une mer de désespoir. Même coincé dans le labyrinthe d'une déception sentimentale, la patience est rentable. La pluie fait pousser des bouquets de fleurs, mais on t'offrira des bouquets de battements de cœur. Avec des roses d'attention qui nous poussent, que dans les jardins d'affection on en rêve tous. Y'aura un autre après lui, une autre après elle, mon frère. Y'aura un jour après la nuit, une rencontre après la rupture, une douceur après la brûlure.